والله أعلم. طيب وأين تريد أن تذهب أنت يا يوسف؟ Où veux-tu aller toi ou Youssouf? أريد أن أذهب إلى لندن. Je veux aller à Londres. Alhamdoulilah, c'est cool. ألا تريد أن تذهب إلى بلدك؟ Ne veux-tu pas aller à ton pays? نعم لا أريد أن أذهب إلى بلدي هذه السنة. أريد أن أذهب إلى لندن لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. Catastrophique. Oui, en effet, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller dans mon pays cette année. Je veux aller en Angleterre pour étudier la langue anglaise là-bas. مدرس يقول ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ N'est-il pas possible d'apprendre la langue anglaise dans ton pays? نعم لا يمكنني ذلك الآن. ذلك الآن. لا يمكنني ذلك. لا نعم لا يمكنني ذلك الآن. لأن. أيوة. نعم. لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية ولا يدرسون اللغة الإنجليزية. دي. En effet, cela ne m'est pas possible, car les gens de mon pays apprennent la langue française et n'apprennent pas la langue anglaise. Je ne sais pas s'ils disent Yadrosun ou Darrosun. Je pense que c'est Yadrosun plutôt. Darrosun, on n'a pas compris. On n'a pas compris, c'est bien. Donc c'est Yadrosun, c'est ils étudient. Amdorris Yakoun. Fi Aikuliyatin Touridou et Tadrosa, fil Aam el Mokbil, Ya Marwan. Donc dans quelle faculté veux-tu étudier l'année prochaine au Marwan? أريد أن أدرس في كلية الشريعة. نعم. Je voudrais étudier dans la faculté de la législation. في أي كلية تريد أن تدرس أنت يا موسى؟ Dans quelle faculté veux-tu étudier toi au موسى؟ لا يمكنني أن أدرس بالجامعة في العالم في العام المقبل ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولاية المتحدة للعلاج. Catastrophique cette blague, j'espère. L'autre il va prendre l'anglais, l'autre il va faire des aux États-Unis, ça va être quoi après? L'autre il va faire de l'archéologie en Australie. Donc ça y est cool. La Yomkinoni en Adrusa Biljamia Filaam El Mokbil. Donc il dit, il ne m'est pas possible d'étudier à l'université l'année prochaine. Aam, c'est Sana. Vous voyez, Aam, c'est Sana, c'est une année. Cela car je suis malade et que je veux aller aux États-Unis pour me soigner. مدرس يقول شفاك الله كانت جريس يا أستاذ يكاد جرس الجرس يرن أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون نعم دي يا أستاذ La sonnerie est sur le point de retentir. J'espère que tu nous permettras de sortir maintenant avant que les autres élèves ne sortent. Donc Arjou, c'est Rajé Arjou, c'est espérer. Watasmaha, c'est Samaha Yasmahou, c'est permettre, excuser, et accorder. Et Khourouj Marlou, c'est Mazad de Kharaj Akhourouj. Ou Akharoun, c'est le poète de Akhar. C'est-à-dire que tu dis Rajoul Akhar, Rijaloun Akharoun, Jamuzakar Salim. Non, les autres quoi. بقي ثلث دقائق يمكنكم الخروج الآن اخرجوا بهدوء يدي il reste 3 minutes بقي c'est fier qui veut dire rester voyez يمكنكم الخروج الآن donc يمكن c'est de امكن on a dit être possible donc il vous est possible de sortir maintenant اخرجوا بهدوء sortez avec calme هدوء ça veut dire calme chérie il y a Dans ces koutoub, il y a un wala, un bara, il y a un djiddan avec les koufars. Il n'incite pas les gens, tu vois, se procher des pays d'islam ou

ce qui provoque une chose. C'est-à-dire ce qui provoque une chose, ce qui définit une cause. Et ce rapprocheur, c'est quoi? C'est li. Le même li que Hadha li Muhammad. C'est-à-dire Hadha laka. C'est-à-dire Hadha kitabun li. C'est le même lem. Seulement, ce lem-là, en fonction de la phrase, son sens, il peut changer. Mais ça reste un harfojar. Ça peut être harfojar lem el-milk, comme on a dit pour la possession. Hadha kitabun lak. C'est ton livre. Ça peut être ta'lil. Voyez, qui veut dire pour. Et là, ce même lem, il rentre dans les af'al. En apparence. Et le fi'l qui vient derrière, il va être mansoub. Cependant, attention, tanbih, ce lem-là, c'est pas harf al-nasb. Ça reste un harf al-jar. Voyez. Et la chose qui rend que le fi'l est mansoub, c'est un n qui est caché. Ça s'appelle n munmara. Et ça, tu verras le détail, inch'Allah, dans le Jurumiyya. Sache que juste que si tu vois le lem qui rentre dans le verbe après, directement, le verbe, il va être mansoub. Voyez, le verbe, il va être mansoub. Et ce lem veut dire pour. Masalan, il dit. Ikra al-amsilata al-atiya li lem et ta'lil. Donc, lit les exemples suivants de lem et ta'lil. Nadrusu al-lorat al-arabiya li nashama al-Qur'an al-Karim wa al-hadith al-nabawi al-sharifa. Donc, il dit quoi? Nous étudions la langue arabe pour comprendre le Qur'an al-Karim. Et le hadith nabawi, c'est-à-dire le hadith, la parole du prophète Mohammed sallam. Donc je dis quoi? Li nafhama. Li adhaba. Li ajlisa. Li tafhala kada wa kada wa kada. Tamam? Et donc le li là, c'est le hafajar. Et le fi'l qui vient d'ailleurs, il est mansoub. Mais attention, comme je te l'ai dit, il n'est pas mansoub par le lem. Mansoub par un harf qui est caché. Ça, c'est un hafajar. Le hafajar, on a dit quoi? C'est propre pour les. Pour les noms, pas pour les verbes. Et tu vas dire, pourquoi là, harfoja entre dans un verbe? C'est une longue histoire. Vous voyez, avec plein de sous-entendus, trucs cachés et tout, ça viendra plus tard, Inch'Allah. Toi, t'as compris le sens? Ah, Hamshi. Plus important, t'as compris le sens et comment il se place. Thanyan, comme El Moudar Rissou, liyaktuba ala saburati. Le professeur s'est levé pour écrire sur le tableau. Vous voyez, liyaktuba, ay huwa. Thalithan, je suis sorti de la classe pour boire de l'eau. Vous voyez? Ou pour que je boive de l'eau. Rabi'an, zahaba abi ila Jeddah liyashtariya sayyaratan. Donc mon père a été à Jeddah pour qu'il achète une voiture. Vous voyez? Pour acheter une voiture. Khamisan, kharakana Allah ta'ala lina'budahu. Allah nous a créé pour qu'on l'adore. خامساً أو سادساً دخلت الحمام لأغسل وجهي. Je suis rentré dans les toilettes pour laver mon visage. سابعاً ذهبت إلى المكتب البريدي لأخذ البرقية التي جاءتني من أبي. Il dit je suis allé à la poste pour prendre. Voyez لأخذ. Ça veut dire pour que je prenne, mais bon, on dira pour prendre. كبر واحد السلام عليكم كيف حالك pour prendre le télégramme, al-latija atni min abi, qui m'est parvenu de mon père. Thaminan, fatahtu al-nafidata liyadkhula al-hawa'u fadakhala adh-dhubabu. Mushkila. J'ai ouvert la fenêtre pour que l'air rentre, et ce sont les mouches qui sont rentrées. Vous voyez? Dhubab, c'est mouche. Et ici, elle nous embête beaucoup, comme tu as pu le voir. Tasi'an, ya hamzatu, adhabu al-an ila souqi liyashtariya dafatila wa aqlaman wa laka wa li su'ad. Donc il dit, oh Hamza, je vais maintenant au souq, ou au lieu de commerce, pour t'acheter. Ou du moins pour acheter des cahiers et des stylos, ainsi que pour toi et pour Souad. Vous voyez? Donc regarde bien là. Li ashtariya wa laka wa li Souad, c'est le même lem. Harfoja. Sauf que dans le premier, il est entré dans un verbe. El fial, li ashtariya. Li ashtariya. Et le deuxième, il est entré dans un domir, laka. Et troisième, dans un isme zahir, li su'ada. طيب لن يقول اجيب عن اسئله الاتيه مستعملا لم التعليل donc répond question suivante en utilisant لم التعليل اولا لما دخلتم المطعم pourquoi êtes-vous rentré dans le restaurant donc on utilise le verbe qui est en parenthèse bien sûr دخلنا لنشرب نشرب نعم نشرب عصير نعم T'as beaucoup le racier, toi, Inch'Allah. Fanyen. Lima kharajta min madrasa. Pourquoi es-tu sorti de l'école? Kharajtu min al madrasa liyashtariya qalaman. Qalaman. Qalaman. Je suis sorti pour acheter un stylo. Lima zahabta Il est coriatika yom al jumu'ah. Pourquoi as-tu été dans ton village le vendredi? Dahabtu ila qaryati li azura walidayya. Naam. J'ai été dans mon village pour visiter mes parents. Rabi'an. Lima dahabtunna. Attention. Il al maktabati ya akhawatu. Pourquoi avez-vous été à la bibliothèque pour les sœurs? Dahabna إلى المكتبة لنقرأن نقرأ نقرأ يعني شو نحن في مذكر مؤنث يبقى الضمير كيما على الاخر نحن نذهب quand des hommes qui parlent ou des hommes qui parlent ونحن نذهب quand des femmes qui parlent donc يعني شو جاي لا يعلم لنقرأ ايوه لنقرأ نقرأ ال ne dit pas le jalida, ne dit pas le sahifa. Et ni mujalla. Al-Qur'an. Donc, ils ont dit, nous sommes allés à la bibliothèque pour lire le Qur'an. Quand tu dis, nahnu nakra'u, et al-fa'il. C'est des femmes qui disent nahnu nakra'u, et où fa'il? طيب donc là il y a pas de damir qui va derrière طيب الدمير c'est نحن خامسا لما جاء اخوك الى المدينه النبويه pourquoi ton frère est-il venu à la Médina Nabawiya جاء اخي الى المدينه النبويه ليدرس في الجامعه طيب mon frère est venu à la Médina pour étudier à l'université. Sadisan, Lima kharaja zamiluka min al-fasl. Pourquoi ton frère, ou plutôt ton camarade, est sorti de la classe? Kharaja zamili min al-fasl liyaghsila wajhahu. Naam, mon ami est sorti de la classe pour laver son visage. Lima khalaqana Allah ta'ala. Akhwan, as-sual li Abdul Wahid. Ajib an as-sual li dhikr akhar. Wa anta musajjal lil fransiyin. لماذا خلقنا الله؟ على بد أن تجيب عن السؤال. لماذا الله خلقك؟ كيف؟ ماذا تدري؟ ما درست الأصول الثلاثة؟ والمبادئ المفيدة من الشيخ؟ ما درستها؟ طيب، ما هو الدليل؟ هذا دليل لي أن الله في السماء، أنا أريد دليلا يبين سبب خلق الله العبادة لماذا الله خلقنا خلق عبد الواحد خلق خليلا خلق فلانا خلق إبراهيم خاكيونز هكذا لماذا ما هو السبب هكذا بدون سبب ها الله هو الحكيم معناه هو السبب وما خلقت الجن والإنس إلا لي لا ليعبدون أيوة هذا دليل على أن الله خلقنا لعبادته هذا مهم جدا عبد الواحد طيب هذا يبقى معك سأسألك بعد أسبوع لا بد أن تجيب بعد أسبوع سأسألك نفس السؤال طيب عليك أن تجيب لم تجيب سأذهب إلى أبيك سأقول لا يعطيك عصيرا تمام متفق معي طيب حياك الله والآن نواجه السؤال إلى أخينا نفس السؤال انتبه Si tu ne réponds pas à toi, ça va être chaud.

j'espère que tu nous permets de rentrer. L'œil, en français, on peut pas traduire mot pour mot. Donc on est obligé de faire une variante et de prendre le verbe et le conjuguer. On peut pas dire par exemple, j'espère que tu me permets de l'entrer. Tu veux dire de rentrer. Vous voyez, de rentrer. Rabian, arjou, antasmaha li hamidin biziyaratika. J'espère que tu permettras à Hamid qu'il te visite. Là, pareil, ils ont mis un masdar. Ziyara, c'est le masdar de Zara Yazuru, qui veut dire visiter. Mais là, dans la phrase, nous, en français, on ne peut pas traduire le masdar. On ne peut pas dire que tu permettras à Hamid la visite. Tu peux le dire, mais ce n'est pas clair. Donc, il vaut mieux mettre le verbe directement, qu'il visite. Qu'il te visite, du moins. Donne-moi une phrase sur la même formule. أرجو أن تسمح لي أن تسمح لي الخروج من الطاس. لا لا اسمح لك حتى نكمل. أنت بعمل با تكون با فيني. أبغى أروح الحمام. طيب مفهوم فهمت ال. رابع عشر. Il t'apprend quoi? Hadi, Asma, Fusul et Sana. Donc là, il t'apprend quoi? Les saisons de l'année. Elles sont quatre. C'est les mêmes que chez nous. Sauf que quoi? Elles ont un autre nom. Al-Shitta, c'est l'hiver. Al-Rabir, c'est printemps. Al-Saif, c'est l'été. Al-Khalif, c'est l'automne. Et c'est les mêmes dans les pays arabes que dans les pays d'Occident. طيب الان الكلمات الجديده اولا عطله عطله سي فاكونس مصر ça veut dire l'Égypte et c'est aussi ça est aussi un mot qui peut être employé pour un pays ou également les grandes villes vous voyez et souvent on l'emploie pour le pays l'Égypte mais comme j'ai dit Mis c'est aussi un mot tu cherches dans le dictionnaire. Si tu vois qu'il y a, regarde, comment tu peux savoir la différence entre eux? Misr, pour le pays, il n'y a pas de tanwin. Tu dis Misrou. Mamnoum Nasarf. Si tu vois Misroun, c'est un pays, quelconque, une terre. Ça va? Ahloun. Ça va. Ahloun, c'est. Ça peut être la famille. Ça peut être ton épouse, ça peut être les gens d'un pays particulier. Par exemple, tu dis Ahlou, Al-Baled, c'est les gens du pays. Vous voyez? Ahli, ça peut être ma femme, mon épouse. Donc, ça peut être Ahli et Don, Ousra, mon père, ma mère, mes frères, ainsi de suite. Et Ahl, ça peut être aussi quoi? Les suiveurs. Les suiveurs. Asha'un, c'est le dîner, comme on a appris. Asha'ul, c'est le dîner. Zara, Yazuru, ça c'est quoi? C'est un fiel, tu veux dire visiter. Baqiyé, yapqa, ça c'est un verbe qui veut dire rester. Vous voyez? Anta tabqa, huwa yapqa, nahnu nabqa, ana abqa, rester quoi. C'est aussi un verbe qui a un harf ila à la fin qui a un lif. Et ça viendra, Inch'Allah, comment on le conjuguera. العام المقبل c'est l'année suivante l'année prochaine. Vous voyez, العام c'est année ou المقبل ça veut dire آتي qui arrive. هدوء c'est le calme. Paisibilité calme. ظرف جم ظروف là on veut dire quoi? Une enveloppe par rapport au texte. علاج c'est le soin, les soins que tu prends quand tu es malade. Par exemple, tu dis Sazabou il mis le Hidej, je vais en Égypte pour faire soigner, pour les soins. Bada'a yabda'u, qui veut dire commencer. Basaka yabsoukou, ça veut dire cracher. Vous voyez, Basaka yabsoukou, ça veut dire cracher. Azubab, jam, zubban. À chaque fois, je me mets comme on disait le djem de Zoubeb, maintenant je viens de savoir. Zubab, c'est mouche. C'est ça qui nous embête tout le temps. I'lan, c'est une annonce. I'lan, c'est une annonce. Idawda'un, c'est le vacarme. Idawda'un, c'est le vacarme. Boucan. Et tu vois, il ressemble à Fawda. Fawda, ça c'est le bazar. Désordre. Samaha, yasmahu. Permettre, accorder, excuser. Alors je dis smahli, comme souvent les gens et les frères disent, excuse-moi. Il y en a même, ça, ils utilisent le mot, ils ne savent même pas ce qu'il veut dire. Amtiana yumkinu, c'est être possible. Vous voyez ? Et c'est un verbe roba, il y a quatre lettres. Arawazn, amkana, la aywazn. Amkana, afara. Non, afara. Voyez. Mafoum ? Donc aujourd'hui on a pris an, qui est harf al-nasb, qui fait que le fi'l qui est en arrière, les mansoubs. On a pris comment placer l'am tardé dans un fi'l, et qu'il y a aussi les mansoubs, mais on a dit qu'il n'était pas mansoub par l'am, mais par autre chose, par an qui est caché. On a pris Mundo, on a pris le fiat Amkana. Yep, fa Andek Swell. Well N. Asmahulaka bil khuruj. Alhamdulillah Rabbil Alameen.